ride with you. Mob and get money, get high with you. Yeah. Cross my heart, hope to die. This is a ride or die. You can confide in me. There's none to hide, and I swear. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you. Cross my yeah. heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Say be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. D'après le son de Alzey et J. Easy Imanai, c'était ce qu'on vient de s'écouter sur The World of Senior. Et c'est l'heure de passer aux éphémérides, voilà. Bon, aujourd'hui mon ordinateur bug, donc je le fais en direct de mon téléphone, j'ai écrit ça, oui voilà. Donc on est le 192e jour de l'année, on fête les Benoît, les Olga ainsi que les Judog, bonne fête à eux. Du côté des anniversaires, on a l'anniversaire notamment de Johan Gourcuff, le footballeur, fête ses 32 ans. On fête également l'anniversaire de Justin Chamber qui fête ses 48 ans, l'acteur qu'on retrouve notamment dans la série de TF1, la série Grey's Anatomy. Je l'avais oublié. C'est l'anniversaire également du chanteur Cheb Mami qui fête ses 52 ans. Et aussi, c'est l'anniversaire du couturier Giorgio Armani pour ses 84 ans. C'est tout pour les éphémérides. On les retrouve demain, puis en replay sur le site sun-radio.net. Dans un instant, c'est l'heure de l'horoscope dans 5 minutes avec Virginie, juste après le son de Cecilia Krull et Gavin Moss. I don't care, doll. Le son de Cecilia Krull et Gavin Moss, I don't care at all, c'est ce qu'on vient de s'écouter sur The World of Senior. Ça se passe chez vous ? Avec vous jusqu'à midi. 10h14, c'est l'heure de retrouver Virginie et son horoscope. Ouais, j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Bonjour Virginie. Bélier, ne soyez pas trop impulsif en affaires et contrôlez-vous. Vous manquez parfois de souplesse pour négocier avec vos interlocuteurs. Taureau, un peu d'introspection avant l'action est nécessaire pour ne pas manquer votre cible. Gémeaux, vous partagez avec vos proches des moments forts dans un climat fraternel et convivial. Cancer, vaquez tranquillement à vos occupations quotidiennes et n'envisagez pas pour le moment de nouveaux projets. Lion, vous n'avez pas besoin de vous creuser les méninges trop longtemps pour trouver une idée lumineuse. Vierge, vous êtes soutenu par la conjoncture astrale pour trouver une voie de conciliation avec vos supérieurs hiérarchiques. Balance, ne rongez pas votre frein dans votre coin. Utilisez votre verve pour trouver une voie de conciliation. Scorpion, vous croulez sous une charge de travail importante. Apprenez à déléguer au lieu de vouloir tout contrôler. Sagittaire, vous voulez que vos entreprises prennent une tournure plus avantageuse. Vous aspirez à davantage de reconnaissance. Capricorne, si vous subissez des tensions au bureau, prenez quelques jours de repos pour vous détendre. Verseau, vous avez de bonnes idées, mais vous devez passer à l'acte sans plus attendre. Poisson, vous avez envie de vous faire plaisir, alors vous craquez pour des babioles. Merci Virginie, on te retrouve demain 10h15 pour un nouvel horoscope du jour. En attendant, on va continuer en musique avec le son de Sigala qui arrive dans un instant. Sigala que je retrouve, il est là. C'est ce que je vous cale pour bien vous réveiller, 10h16. Voilà, ça va faire du bien. Mais juste avant, il y a le son de Adal qui arrive avec Lies. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, ça se passe chez vous. À 10h30, on retrouvera Joël Sia pour une chronique cinéma. Soyez les bienvenus, Adal, Lies. I saw your smile from across the room. I could be wrong, but you know it's true. And I'll stop if you want me to. But if you like it, if you like it. Lay these cards out across the floor. You draw me in, leave me wanting more. I'll play your game if you keep the score. But if you like it, if you like it. I don't wanna be hasty, babe. I feel like you've been tied to me. I'm trying to be on my best behavior, but I know that we've got to leave. We could turn the lights down for the night, cover up the stars to hide this light. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby, the lights down. We could turn the lights down for the night, cover up the stars to hide this light. You've been tied to me. I'm trying to be on my best behavior, but I know that we've got to leave. We could turn the lights down for the night, cover up the stars to hide this light. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby, the lights down. We could turn the lights down for the night. The only sound from my fears. knees all to the ground. Will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day. Will you hold me? Le son de Sigala et Paloma Faith, c'est ce qu'on vient de s'écouter avec Lullaby. On va continuer en musique avec le son de Imagine Dragons, Next to Me qui arrive. Mais juste avant, je voulais vous faire un petit rappel. Venez sur Facebook avec le compte The Radio, c'est la page. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Voilà, vous faites plaisir quoi. Imagine Dragons, Next to Me, c'est ce qui arrive. Soyez les bienvenus sur The Radio Center, 10h23. Something about the way that you walk into my living room. Casually and confident, looking at the mess I am. But still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering.

après le son de Dua Lipa avec I Don't Give a Fuck, c'est ce qu'on a écouté. 10h30, soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h30 sur The Radio Seigneur. Et c'est l'heure sans plus attendre de retrouver la chronique cinéma de Joëlicia. Bonjour Joëlicia. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chronique cinéma. Cette semaine, dans notre rubrique Histoire du cinéma, nous baserons sur le film L'Exécution de Mary, Reine des Écossais, un film américain réalisé par Alfred Clarke et filmé par William Hales, sorti en 1895. C'est le film précurseur des effets spéciaux, car dans ce film, Alfred Clarke imagine et utilise pour la première fois au cinéma un effet spécial qu'on appelle arrêt de caméra ou cut caméra, qui va révolutionner le monde du cinéma. Pour la petite anecdote, par erreur, on a désigné Georges Méliès comme le précurseur des effets spéciaux, car un an après, il aura utilisé la même technique en y ajoutant quelques modifications. Voilà pour la petite histoire. Poursuivons avec notre rubrique des techniques du cinéma. Toujours avec le film L'Exécution de Mary, Reine des Écossais, qui a révolutionné le monde du cinéma avec sa technique de cut caméra. Ce trucage, c'est-à-dire cette technique, permet de modifier un objet ou un personnage en le faisant apparaître ou disparaître grâce à l'arrêt de la caméra. Tout d'abord, on arrête la caméra, on change la position des objets ou des acteurs, puis on reprend la prise de vue et après développement, on coupe les photogrammes surexposés qui révèlent l'arrêt et le démarrage de la caméra. Et puis on soude avec de l'acétone. Pour la petite anecdote, dans le film, on a substitué un mannequin à l'actrice pour réaliser la scène de trucage. C'est tout pour la première partie de la chronique. Oui, c'était cinéma. La première partie. D'accord. Bon, on va faire une petite coupure en musique et puis on retrouvera la seconde partie avec les sorties tout de la semaine, fait. C'est ça oui, Jack c'est Jones ça. Avec Breeze, c'est ce qui arrive, 10h32. Bienvenue sur The Radio Seigneur. You're my discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. D'après le son de Jack Jones et Ina Roldsen, c'est le son qui s'appelle Breeze tout simplement. C'est l'heure de la seconde partie de la chronique ciné avec cette fois-ci les sorties avec Joëlicia. Et oui, et voici arrivée votre séquence préférée, celle des sorties de prochains sorties de films. Au programme cette semaine, nous avons Interrail, une comédie française réalisée par Carmen Alexandrin qui sortira en salle aujourd'hui. Au casting, on retrouvera Marie Zabukovec, Karl Balapa, Manon Valentin. C'est l'histoire d'un groupe d'amis fraîchement bacheliers qui font le tour de l'Europe en Interrail. Un apprentissage de la liberté et du groupe, pas toujours compatible, mais qui sera la base éternelle de leurs meilleurs souvenirs. Faut savoir que ce film est basé sur une expérience personnelle de Carmen Alexandrin. Et si vous avez fini de faire le tour de l'Europe avec ce film, vous pourrez toujours aller voir Ant-Man et la Guêpe, un film d'action et de science-fiction réalisé par Peyton Reed qui sortira en salle le 18 juillet. Au casting, on retrouvera Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas. Après les événements survenus dans Captain America Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope Vaidan et Dr. Paim lui confient une nouvelle mission urgente. Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date. Vous pourrez aller le voir au cinéma Grand Forum de Louviers. En parlant de Guêpe, cela me fait penser à Maya Lavelle qui a versé l'enfance de certains de mes collègues. Et oui, ce sont les suites des aventures tant attendues de notre vaillante abeille. Maya Lavelle 2, Les Jeux du Miel, c'est un film d'animation allemand réalisé par Noël Clairé et Sergio Delfino qui sortira en salle le 18 juillet. Au casting, on retrouvera Jennifer Bartoli, Lou Jean, Teresa Zertani. Maya va enfin participer au grand jeu du miel. L'enjeu est de taille. Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l'impératrice des abeilles. Maya, Willy et leur ami vont devoir se surpasser pour battre l'équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse. Sur ces belles paroles, nous arrivons à la fin de notre chronique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles annonces. D'ici là, portez-vous bien. Merci Joëlicia et on te retrouve également dans 10 minutes même, 5 oui. maintenant pour la météo. Météo, les prévisions météo avec Joëlicia. Vous bougez pas. Juste avant la météo, on va continuer en musique avec David Guetta et Saya qui arrive dans un instant juste après le son de Love avec Me Better sur Heures de Seigneur. Bienvenue. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. One foot in front of the other, babe. One bright split to another, yeah. Just après le son de David Guetta and Sayas qu'on vient d'écouter avec Flames. Dans un instant, c'est la météo de Joe Elicia qui nous donnera les prévisions pour aujourd'hui, juste après le son de Julian Peretta. Tied Up, bienvenue. You say we're irreplaceable. I met you when my heart was full. Now it's running empty. We went from irresistible to something we don't even know. And it's terrible to know. Why you wanna call this love? All we ever do is hide the snow. Dirty little secrets when everyone you know knows me. Why you wanna keep this going? Why we're trying to be something knowing? Every little secret, no, we can't keep this up. All my friends know your friends, and now nothing's in confidence. When there's no one in between us, you and me, we're too tied up. Got a screenshot from an unknown number. Someone you know doesn't like you. Won't pretend I'm any better. It's messed up, but we don't stop. We're too tied up. Après le son de Julian Peretta and The Magician, Tied Up sur The Radio Cineur. Ça se passe chez vous? Et c'est l'heure de la météo en quelques minutes avec Jolicia, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre chronique météo ce mercredi 11 juillet. Aujourd'hui dans la commune de Pont-de-l'Arche, ce matin on aura un temps nuageux avec une température de 11 degrés. Dans l'après-midi, la température va progressivement augmenter jusqu'à atteindre une valeur de 24 degrés. Il y aura une alternance entre éclaircies et nuages. Le soir, on aura moins de nuages dans le ciel et des éclaircies, avec une température de 20 degrés. Et dans la nuit, on aura un ciel clair avec une température de 11 degrés, mais il y a un risque de brume et de brouillard. Par ailleurs, tout au long de la journée, on aura un temps variable, mais pas de précipitations prévues et les rafales de vent atteindront les 30 km/h. Demain, le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 21h59. N'oubliez pas qu'en ce moment, nous sommes dans des périodes, il fait super chaud. N'oubliez pas de vous hydrater, de sortir, d'aérer où vous êtes aussi. Et surtout, ne sortez pas entre midi et 16h. Ne vous exposez pas. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles prévisions. Merci, Jolicia. Tu nous parleras un petit peu de foot avec Kandra tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Bon bah c'est super, on continue la musique avant de retrouver Tati Karine dans un quart d'heure. Et son dit qu'est-ce qu'on mange du jour, il y a Shawn Mendes qui arrive avec In My Blood et plein d'autres. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing.

obvious wine is alarming. Me want you just big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Shake something when you tiptoe. Tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Like a disco, who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blown gas at the Rari. Fresh vanilla smooth like a 100-year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, darling. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. And that money keep blown. Swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body in my way. Can't take it off my bread. Look like you do, baby. Tight when you tiptoe. When you tiptoe. Say it's Sunday. Say it's when you tiptoe. When you tiptoe. Ooh. Ooh. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Hold tight when you wine for me, darling. When you move your spine, it's alarming. Juste après le son de Jason Derulo et French Montana, French Montana, écoutez, Tiptoe, c'est ce qui vient de se passer. Puis là, on continue avec Meghan Trainor, nos excuses, bienvenue. You're my open up your eyes. someone mention you are all alone. I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. Juste après le son de Tom Walker avec son son qu'on adore, Leave the Light On. Dans un instant on écoutera le son de Boosty avec Popcorn. S'il veut bien se penser. Bon voilà ce qu'on écoutera. Boosty avec son son qu'on adore, Popcorn. Soyez bienvenus sur The Radio Seineur, 11h01. Ça se passe chez... Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. Mais pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Tati Karine avec son dit qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Dis qu'est-ce qu'on mange. Salut, c'est Karine avec vous pour une toute nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons parler lasagne. Il y en a pour tous les goûts. Nous allons prendre la direction du sud avec la courgette et faire un beau mariage. Lasagne aux courgettes. À vos stylos. Ingrédients pour 4 personnes. 4 courgettes, un sachet de parmesan râpé, environ 100 g, un pot de pesto, une boule de mozzarella, une boîte de pâte pour lasagne, de l'huile d'olive, 250 g de viande hachée, de l'ail, du sel, du poivre, 2 oignons. Pour la béchamel, vous aurez besoin de 25 g de beurre demi-sel, 25 g de farine, 50 cl de lait, 2 pincées de noix de muscade, du sel et du poivre. Préparation. Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez les courgettes et retirez les extrémités, puis les coupez en fines tranches dans le sens de la longueur. Faire chauffer de l'huile avec une gousse d'ail écrasée dans une poêle. Une fois l'huile chaude, faire cuire les tranches de courgettes, une à deux minutes de chaque côté. Il faut qu'elles soient un peu plus molles et colorées. Pensez à les saler et poivrer une fois sorties de la poêle. Éplucher les oignons et détailler-les. Faire revenir la viande hachée avec les oignons. Attaquons-nous maintenant à la béchamel. Dans une casserole, faites fondre le beurre, puis ajoutez la farine tout en fouettant vivement. Une fois que le mélange est homogène, ajoutez le lait petit à petit. Poursuivez la cuisson à feu doux tout en continuant de mélanger. Salez, poivrez, puis ajoutez la noix de muscade, le parmesan râpé et le pesto. Votre béchamel doit être assez liquide. Pour finir, recouvrir le fond d'un plat à gratin de sauce, puis disposer une couche de pâte spéciale lasagne, une couche de viande hachée et une couche de lamelles de courgettes. Répétez l'opération jusqu'à épuisement des quantités. Terminez par une couche de pâte recouverte de sauce. Coupez la mozzarella en tranches et en recouvrir le dessus. Faites cuire 15 à 20 minutes au four. Et voilà de délicieuses lasagnes. Les podcasts sont disponibles sur le www.theradio.net. Je vous invite également à me retrouver sur le Facebook dit Qu'est-ce qu'on mange ? Bon appétit, chers audionautes, et à demain. Merci Tati Karine, on se retrouve demain 11h toujours sur The Radio Seineur en plein cœur du Ça se passe chez vous. Voilà. Il est 11h05, dans un instant il y aura le son de Axwell Ingrosso qui arrive. Dreamer, on adore ce son. Toujours sur The Radio du Seineur, 11h05. Puis aussi dans un instant il y aura Boosty, Popcorn. Mais juste avant, vous bougez pas puisqu'on continue en musique avec le son de Dennis Lloyd, Nevermind qui arrive à 11h15, ce sera l'heure de retrouver Michel pour un programme télé de ce qui va se passer ce soir sur la TNT. Et à 11h30, ce sera l'heure de retrouver Kendra et son flash d'actu dans l'agglomération Seineur. Mais juste avant, c'est Dennis Lloyd, Nevermind, dans le Ça se passe chez vous. Soyez les bienvenus. You're gonna be my lover tonight. I take it with me. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind.

juste après le son de Axwell et Ingrosso avec leur son, c'est Dreamer qui vient d'arriver. Ça se passe chez vous? Et il est 11h15, tout pile, et c'est l'heure de retrouver Michel pour son programme télé. Bonjour Michel. Bonjour, c'est mercredi 11 juillet, à la télé ce soir le foot bien sûr, sur TF1 et Beansport avec les demi-finales de la Coupe du Monde. Sur France 2, vous retrouverez la série Accusé ce soir, 5 épisodes. Sur M6, Zone Interdite, au programme Vallée de la Loire, ces Français qui ont choisi la vie de château. Sur C8, documentaire à 21h, 100 jours, avec les gendarmes de l'autoroute des vacances. Sur W9, ne manquez pas le documentaire sur Stromae, l'homme aux deux visages. Sur TMC, documentaire ce soir avec tout d'abord les stars des années 80, retour sur un phénomène, et juste après, la grande saga des héros de notre enfance avec les meilleurs dessins animés. Sur Gulli ce soir, justement, dessin animé avec une soirée spéciale Fievel. Tout d'abord, Fievel et le trésor perdu, et en deuxième partie, Fievel et le mystère du monstre de la nuit. Enfin, sur Sister, vous retrouverez les aventures de Tintin, la série culte des années 90. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce mercredi. Merci Michel, on te retrouve demain dès 11h15 pour une nouvelle chronique Prom Télé. Vous vous bougez pas puisqu'on continue en musique avec le son de Foster the People, Sit Next to Me, c'est le son qui arrive. Juste après, il y aura le son de Imagine Dragons également avec Whatever It Takes. Et puis dans un quart d'heure, on retrouvera Kendra qui viendra nous faire les actualités dans l'agglomération de Senneur. Voilà, 11h45, il y aura également l'actu foot sur le point sur la Coupe du Monde. Foster the People, Sit Next to Me. Cause around the corner, feeling tired.

Et on retrouve Kendra pour son information et sa météo. Bonjour Kendra. Salut Antoine et salut à tous. Oui, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations à venir dans les jours, mais aujourd'hui plutôt tranquille puisqu'on va commencer avec une soirée chic avec Claudice DJ organisée à la Factory de Val-d'Oreuil ce vendredi. Soirée chic avec une DJ qui animera de 20h à 1h. Une soirée dansante axée sur les années 80 et 90 pour ceux qui aiment bouger sur des anciens sons. Claudice DJ prendra le micro et chantera des chansons plus anciennes. Donc ça casse un peu le code des soirées dansantes classiques que l'on peut trouver un peu partout. Les participants pourront se laisser aller venir habiller en chic ou en choc ou mélanger les genres. Bien sûr, cet événement c'est sur réservation, ça se passe à la Factory, c'est à partir de 10€. Donc n'hésitez pas à réserver, les places sont encore disponibles. On enchaîne avec Louvier qui organise des stages sportifs pour les enfants de toute cette semaine là en fait, et c'est disponible jusqu'à vendredi. Donc il y a un stage Les Trois Rivières Kayak, c'est à 17h à la base de Launès, en fait la base de kayak de Louvier. Les stages sportifs pendant l'été, des ateliers et des stages pour les enfants entre 9 à 16 ans. Les activités pour ce stage de kayak, donc il y aura du kayak, il y aura du canoë aussi. Il y aura des petits parcours différents, des niveaux d'eau plus ou moins difficiles, donc accessibles un peu à tous les âges. Activités, inscription au kiosque de famille à rue Saint-Germain à Louvier pour les enfants nés entre 2002 et 2005. Faites vite parce qu'il n'y a que 12 places disponibles, donc faites attention et prévoyez surtout une tenue de rechange pour votre enfant puisque c'est du canoë et kayak. Autre activité proposée par la ville de Louvier aussi, c'est des stages sportifs, ici des stages sport collectif et individuel, donc on aura tous les sports co, ça se passe à Colette Besson du coup. Sport co, handball, foot, volley, basket, un peu tout ce qu'il y a. On aura aussi du sport individuel avec le golf, du tir à l'arc et de la course d'orientation pour ceux qui aiment un peu plus les sports d'endurance. Donc une restauration est prévue au centre de loisirs Jacques Prévert pour les enfants nés entre 2006 et 2008. Encore une fois là, pour ces activités là, il y a 12 places et les inscriptions se font encore au kiosque famille. Voilà pour les infos sur sur les activités à Louvier. Et on termine avec Val-d'Oreuil Cosmétique Vallée de Marc-Antoine Jamet qui fixe le cap de cette nouvelle année 2018. En effet, la Cosmétique Vallée, association qui rassemble les industriels de la cosmétique et de la parfumerie, ont organisé leur assemblée générale à Val-d'Oreuil jeudi dernier. L'Assemblée Générale était l'occasion pour les 600 entreprises qui composent cette association, dont Hermès Parfum du Vaudreuil, Johnson & Johnson à Val-d'Oreuil, ou encore Aptar au Neubourg, de fixer le cap de 2018. Les fondateurs de la Cosmétique Vallée ont été entourés par des grandes personnes, comme le directeur général Jean-Luc Hansel. Il y a aussi le trésorier. L'association affiche un résultat d'exploitation d'environ 4,2 millions d'euros, dont 31% de subventions publiques. Ainsi, l'association s'est donné comme objectif de pousser encore plus loin la conquête des nouveaux territoires à l'international, tout en donnant à sa population du travail. Donc d'événements seront organisés durant l'année par cette association, comme un événement, un salon au musée du Louvre, et même Bernard Leroy, président de l'agglomération Senneur, a fait le déplacement en tant qu'élu. Lui ne manque jamais une occasion de se réjouir de la présence de ces entreprises, qui note que quelle évolution fantastique depuis la date où la CASE a adhéré en 2007 à ce projet. On sent le souffle d'un grand large, notre territoire est le premier pôle économique de l'heure et 50% des emplois sont dans la sphère industrielle. Vous exportez dans le monde entier, vous êtes les champions du monde. Voilà les mots de Bernard Leroy qui fait l'éloge un peu de cette association qui rapporte beaucoup d'emplois et qui devra en ramener encore plus dans l'agglomération Senneur. C'est tout pour les infos d'aujourd'hui. Merci Kendra. On te retrouve dans 10 minutes pour un petit point sur la Coupe du Monde. C'est ça, un petit point sur la Coupe du Monde. Avec Joël Issa également. France Belgique. Bon. On va continuer en musique en attendant le point sur la Coupe du Monde dans un instant. Pour ceux qui se demandent, juste avant il y avait le son de Ina qui vient de se passer. Puis là on va continuer en musique avec le son de Alok et Bruno Martini. Le son c'est Irminao feat Ziba sur Heures du Seigneur. Bienvenue, vous êtes dans le sas-pas chez vous jusqu'à midi.

turning up. Yeah, we turning it up. De retour juste après le son de Ariana Grande, No Tears Left to Cry, c'est ce qui vient de se passer sur The Radio Center. Et puis on avait un jingle qui devait partir, mais le logiciel l'a lancé tout seul. Du coup, et ben on va passer directement sans transition à la chronique d'actu de la Coupe du Monde de Kendra et Joelicia. Donc petit point sur le match, débriefing un peu du match France-Belgique qui s'est déroulé hier. On est en finale. Voilà, victoire de l'équipe de France. C'était un match serré entre les deux équipes. Les Bleus ont réussi quand même à s'imposer en demi-finale face à la Belgique sur le score de 1-0. Dès le début de la rencontre, les Belges ont imposé un pressing haut à un rythme élevé aux Bleus. À plusieurs reprises, les accélérations et les dribbles d'Eden Hazard ont fait beaucoup de mal à Benjamin Pavard. Mais le milieu de Chelsea a notamment tenté une énorme frappe que Varane dévie juste au-dessus de la barre. Peu de temps après, Lloris a lui sorti un arrêt exceptionnel sur une frappe d'Alder Vereld, un pivot au point de pénalty. Une très grosse frappe et très gros arrêt de Hugo Lloris qui nous sauve encore une fois sur une belle frappe cadrée. Mais rapidement, les Bleus ont repris le dessus pendant la seconde partie de la première mi-temps. La machine se relance, notamment venu grâce à Kylian Mbappé. Le Parisien de 19 ans a su distiller d'excellents ballons pour Olivier Giroud qui a gâché une occasion à la 34e minute. Ou encore Benjamin Pavard qui a buté en face à face sur Thibaut Courtois à la 39e minute. Au retour des vestiaires, les Bleus sont revenus avec les mêmes intentions et ont finalement et se sont finalement sur un corner obtenu par Olivier Giroud qu'Antoine Griezmann a pu trouver Samuel Umtiti qui, en sautant bien plus haut que Marouane Fellaini, met une tête pour libérer les Bleus à la 51e minute. Jusqu'au bout du match, les Belges vont encore pousser, mais rien n'y fait. La faute à Lloris qui est monstrueux dans les cages. Un Varane impérial et un Kanté comme d'habitude énorme. Voilà les conditions de la victoire à l'équipe de France qu'on est content de supporter puisqu'on a une place en finale après 2006 pardon. On va maintenant annoncer les matchs qui vont se passer pour la fin de la Coupe du Monde, tout simplement, Joëlicia. Quelle équipe la France va-t-elle affronter le dimanche? On a la Croatie et l'Angleterre qui vont jouer un match à 20h sur TF1 et Bein Sport. Du coup, on sait pas, quoi. On est un peu dans le suspens. On attend ce match avec impatience. On va voir ce que ça va donner. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour faire un point sur le match Angleterre-Croatie qui se déroulera ce soir en direct sur TF1, c'est ça? Oui, c'est ça. TF1. Et sur Bein Sport. Et sur Bein Sport. C'est ça. Donc voilà, merci beaucoup pour cette chronique sur la Coupe du Monde. Voilà, on fait une petite transition, puis après il y aura de la musique. Ça se passe chez vous? Et oui, donc Daddy Yankee qui arrive, LSD, Saya, Diplo and Labyrinth avec leur son audio qu'on adore ici sur The Radio. Puis Katy Perry, bon appétit pour terminer cette émission. Soyez les bienvenus sur The Radio Center si ça se passe chez vous jusqu'à midi. Me gusta mi reggae. Suertecita la cintura, pa' bajarte esa calentura. De nadie me dejo, yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. après le son de Daddy Yankee avec Dura, c'est ce qu'on vient de s'écouter sur The Heures du Seigneur. Vous bougez pas, on va se dire au revoir dans un instant, juste après le son de LSD, Saya, Diplo and Labulence avec Audio, puis juste après il y aura Katy Perry. Bon appétit, bienvenue. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star. We got audio. C'est le son de LSD avec Saya, Diplo and Labyrinth. Le son c'est audio. Là on continue en musique avec Katy Perry. Bon appétit. Il est 11h55 et dans un instant on vous dit au revoir. Ça se passe chez vous. On that second change of life. Know what a boss who's dripping with gel in my eyes. Black. Said she want a meagre, now that ass her what's the price. Hold on. If she do right, told her get whatever you like. All set. I grab her legs and I divide. I make her do a donut when she ride. I looking at the eyes of a dime, make you blind. In her spine, now the most of diamond checks are kind. Sweet tooth, sweet. No tooth fairy. No whipped cream. Whip. No dairy. Whip. Got a hot light on, screaming I'm ready. Hot. But no horses, woo. No carriage. Go ahead. Après le son de Katy Perry avec Bon Appétit, c'est ce qu'on vient de s'écouter. C'est l'heure pour nous de vous souhaiter un bon appétit, pour vous remercier de nous avoir suivis aujourd'hui. On va vous dire ouais, merci du coup, et puis merci à Joëlicia et à Kendra d'avoir été là encore aujourd'hui. De rien, ça fait plaisir. On vous retrouve demain. Ça fait plaisir d'être là, franchement oui, on se retrouve demain. Dès 10h. Dès 10h sur zoradioseigneur.zoradio.net. Vous allez pouvoir réécouter le podcast de cette émission d'ici quelques minutes. Et puis les autres podcasts sont également sur le site scentireur.zoradio.net. Alors encore une fois, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on revient demain dès 10h. Bon appétit et puis ciao. Ciao. Au revoir. Ça se passe chez vous, on revient demain dès 10h sur The Radio Seigneur. Retrouvez votre émission en replay sur scentireur.zoradio.net. The Radio Seigneur, votre radio locale dans toute l'agglo. The Radio Seigneur, la radio la plus proche de vous. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 a.m, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit. Only gonna me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane. Here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it? Haven't I made it? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. R-I-E-N-D-S. That's how you f- spell friends. F-R-I-E-N-D-S. Get that shit inside your head. No, no, yeah. We're just friends. So don't go look at me, no, with that look in your eye. écoutez The Radio Seineur, il est midi et 2 minutes. I was